chose, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres, ma sœur. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres, mon frère. Jusque-là, tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu ne fais qu'échouer. Écoute-moi bien. Il y a un temps pour toutes choses. L'apôtre Pierre, il a pêché toute la nuit. Mais lorsque Jésus est venu le jour, il lui a dit, avance en plein eau et jetez vos filets. Il ne faut pas te dire, moi je vais toujours échouer. Non, le temps est venu où le Seigneur va te faire passer de l'échec à la gloire, de l'humiliation à l'élévation. Réveille toi, il faut invoquer le nom de Jésus. Il est capable de changer ta situation. Nous sommes à OSB. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 16, versets 1 à 16. Lisons Romains 16, 1 à 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule, saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Plégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Amen. Je voudrais partager quatre vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Apprenons à pratiquer l'hospitalité envers nos frères et sœurs dans la foi et surtout envers ceux qui servent le Seigneur, ceux qui sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Quand quelqu'un vient chez vous, au nom du Seigneur, recevez-le correctement, recevez-le très bien, rendez-lui des services comme il convient à des frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une grâce et c'est une bénédiction pour vous. Vous voyez, l'apôtre Paul recommande ici, il dit, je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancheré. Vous voyez, il y a plusieurs ministères au sein de l'église. Il n'y a pas que des apôtres, des pasteurs, des anciens. Il y a aussi des diaconesses. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu es diacre dans l'église, tu es diaconesse, est-ce que tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Tu ne dois pas te comporter n'importe comment. Il faut prendre au sérieux ta responsabilité de diacre, de diaconesse. Vous voyez, pendant ce temps-là, les diaconesses étaient des gens de qualité, des gens qui craignaient le Seigneur. C'est pour cela que Paul peut dire, je vous la recommande. Je parle à toi, toi qui es diaconesse, est-ce qu'on peut te recommander? Est-ce que ta vie même est conforme à la parole de Dieu? Ou bien on t'a choisi tout simplement parce que tu travailles quelque part, tu as un bon salaire? Non, vous voyez, c'est un ministère. On dit, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Quand vous recevez quelqu'un dans le nom du Seigneur, il faut le faire d'une manière digne. Lorsque vous recevez un homme de Dieu, une servante de Dieu, il faut le faire d'une manière digne. Et il dit, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Il y a certains qui peuvent avoir besoin de votre transport, par exemple, que vous mettiez à leur disposition une voiture si vous en avez. Pour d'autres, vous allez leur donner la nourriture, prendre soin d'eux, les assister dans leurs besoins, les assister peut-être dans les courses, si c'est surtout quelqu'un qui vient de l'extérieur, il vient d'une autre région ou de notre pays. Il faut l'assister. Vous le faites au nom du Seigneur et le Seigneur va vous bénir. Deuxième recommandation ou deuxième vérité, apprenons à manifester la reconnaissance envers ceux qui nous ont aidés. Aujourd'hui, nous vivons un monde d'ingratitude. Quand quelqu'un t'a aidé à trouver l'emploi, il ne faut pas chercher à combattre la personne qui t'a ouvert les portes. Je parle à quelqu'un, mon ami. Tu es en train de combattre cette dame-là. C'est par elle que tu es entré dans cette entreprise. Et maintenant, tu viens, tu commences à t'allier aux ennemis, aux gens qui veulent la combattre. Ce n'est pas normal. Soyons reconnaissants. Je vais parler à un jeune, écoute-moi bien. Aujourd'hui, il y a des gens, des doyens qui t'ont encadré dans le ministère. Ton père spirituel qui t'a encadré, qui t'a pistonné pour que ton ministère connaisse cette dimension-là. Quelle que soit la dimension de ton ministère, reconnais celui qui t'a introduit. C'est lui qui t'a formé. Tu ne dois pas couper totalement avec lui. Vous voyez, il y a la reconnaissance. Paul est en train d'enseigner l'esprit de reconnaissance ici. Lorsqu'il cite certaines personnes, écoutez, il dit par exemple... Au verset 3, saluez Prisca et Aquila. Ailleurs, il les appelle Priscille et Aquila. Mes compagnons d'œuvre en Jésus et qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui les rend grâce, Ce sont encore toutes les églises des païens. Donc, vous voyez, quand il cite Prisca ou Priscille et Aquila, il reconnaît. On dit, ils ont exposé leur vie. Mon ami, est-ce que toi tu reconnais ceux qui t'ont aidé dans la vie? Ne sois pas ingrat. Ce n'est pas parce que tu es élevé, même sur les plans séculiers, écoute-moi bien, les postes que tu occupes, mon ami, aujourd'hui là, tu dois reconnaître ceux qui t'ont pistonné, ceux qui t'ont connecté pour qu'aujourd'hui tu sois élevé. Il faut reconnaître que c'est à partir d'eux. Ne sois pas ingrat. Même au verset 9, il parle encore de Urbain. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Troisième vérité. Apprenons à encourager les autres et reconnaître leurs valeurs, leurs talents. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a des gens qui veulent seulement qu'on parle d'eux. Mais reconnais aussi les autres. Quand tu vois un frère, une sœur que Dieu utilise dans un domaine ou dans un autre, il faut les reconnaître. Il faut apprendre à encourager les autres, à savoir reconnaître leurs mérites. Nous voyons ici, lorsque l'apôtre Paul salue les gens, il reconnaît leur mérite. Par exemple, quand il parle au verset 6, il dit « Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. » Il encourage Marie pour ce qu'il a fait. Il reconnaît que Marie a pris de la peine. Il encourage Marie pour ce qu'elle a fait. Il dit « Il a pris de la peine. » C'est un encouragement. Au verset 7, il dit « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. » Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils parlent là, ils veulent montrer comme si c'est eux les premiers, comme s'ils n'ont même pas de père spirituel, même pas de mère spirituelle. Mais il y a des gens qui ont été en Christ avant toi. Même si aujourd'hui, toi, tu as maintenant un grand ministère, tu es devenu pasteur, prophète. Mais il faut savoir reconnaître les doyens. Pour qui tu peux dire, lui-là, il était avant moi. Lui-là, c'est lui qui m'a montré les premiers enseignements, les premiers rudiments. Lui-là, c'est celui qui m'a baptisé. Vous voyez? L'apôtre Paul, il dit, il reconnaît. Ça, ce sont des noms que les gens ne connaissent pas. Il dit, Andronicus, Junias, il les appelle mes parents, mes compagnons. Il dit, ils étaient en Christ avant moi. Même si moi, Paul, je suis connu comme apôtre. Mais il y a des gens qui ont été en Christ avant moi. Ça suppose que ce sont des gens même, peut-être, qui l'ont aidé. Il reconnaît leur mérite. Au verset 12. Il parle de Tryphène. Il dit « Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. » Il reconnaît leur mérite, que ce sont des gens qui travaillent pour le Seigneur. Ne soyons pas toujours concentrés sur nous. Reconnaissons aussi d'autres personnes que Dieu utilise et encourageons-les. Quatrième vérité, apprenons à nous saluer de manière respectueuse. Vous voyez, ce verset 16 dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Le saint baiser était un moyen de salutation dans les églises primitives. ce n'est pas un baiser impudique. Aujourd'hui, il y a des gens dans leur manière de saluer même des frères et sœurs, surtout lorsqu'il s'agit des personnes de sexe opposé, ils se saluent de manière bizarre. Quand même, il y a une façon de saluer, par exemple, un homme marié, toi qui es une sœur. Il y a une façon de saluer ton pasteur. Je parle à toi, ma sœur. Lorsque tu parles à ton pasteur, tu dis « Daddy, Daddy », il y a une manière, tu dois respecter ton pasteur. Tu ne dois pas l'embrasser comme sa femme l'embrasserait, non. Il y a une façon respectueuse de saluer les gens. Un saint baiser, c'est un baiser où on voit la pureté, on voit la sainteté. Ce n'est pas des salutations bizarres où on commence à voir des allures bizarres comme si on était en train de faire la cour à quelqu'un. Ce sont des saints baisers. Nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Nos relations ne doivent pas aller au-delà des relations que Dieu a tracées. Ce sont des relations de sainteté, de respect mutuel. Que le Seigneur nous aide à marcher selon lui. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. L'amour s'est manifesté, anges criaient à toi. Ton grand amour s'est manifesté, anges criaient à toi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, et consacrer ma vie entière, et ce qui est à moi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière, et ce qui est à moi. Oh, grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière. Et ce qui est à moi, oh, reconnaissant pour tout ton bienfait, me voici Seigneur, t'es consacré ma vie entière, et ce qui est à moi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, déconsacré ma vie entière. Et ce qui est à moi, oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, déconsacré ma vie entière, et ce qui est à moi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, déconsacré ma vie entière, et ce qui est à moi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est à moi, oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est à moi. Gloire au Seigneur, élevons nos voix, bénissons le Seigneur, disons-lui merci pour sa grâce, pour son amour et sa bonté. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu, toi qui nous as gardé toute la nuit et qui nous a accordé cette journée par pure grâce. Nous te bénissons, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui nous aide à pratiquer l'hospitalité. Nous glorifions ton nom, notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Père d'amour qui nous aide à t'aimer et à te servir de tous nos cœurs. Sois béni, Éternel notre Dieu, toi qui veux que nous puissions prendre au sérieux les responsabilités que tu nous donnes. Nous bénissons ton nom, notre Dieu et notre Seigneur, toi le Dieu qui veut que nous te soyons reconnaissants et que nous soyons reconnaissants également à tous ceux qui nous aident. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui nous aide à marcher dans la droiture et dans la crainte de ton nom. Sois loué, ô Éternel notre Dieu. Toi, le Dieu vivant, le Dieu incomparable, le Dieu qui nous soutient et qui nous conduit jour après jour pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre passage du jour, c'est Romains 16, 1 à 16. Nous sommes dans notre émission OSB, l'émission des prières matinales. Et vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir dans ce passage l'importance de l'hospitalité. Paul a recommandé de recevoir la sœur Phoebe qui était diaconesse. Bien-aimés, prions pour que Dieu nous aide à cultiver cet esprit d'hospitalité, pour que nous puissions aider les autres, accueillir les autres, qui viennent même d'autres régions, qui viennent même d'autres pays. Que le Seigneur nous aide à cultiver cet esprit-là, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Ô Dieu, berger d'Israël, prête l'oreille à nos prières. Berger d'Israël, toi qui conduisis ton peuple au milieu des hostilités, nous te rendons grâce ce matin. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, nous bénissons ton saint nom pour toutes tes grandes réalisations. Toi qui nous as transportés des ténèbres à ta lumière, toi qui nous as donné à manger lorsque nous avions faim. Toi qui nous as accueillis lorsque nous étions perdus, lorsque nous étions égarés. Toi qui nous as logés lorsque nous étions sans abri, nous te disons merci, Père éternel, et nous ne cesserons jamais d'exprimer cette reconnaissance. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous prions au nom de Jésus-Christ et nous demandons que l'esprit d'hospitalité fasse partie de notre vie. Nous prions au Père éternel et nous te demandons de nous outiller afin que nous puissions cultiver l'esprit d'hospitalité pour accueillir ceux qui n'ont pas de logis, pour accueillir ceux qui n'ont pas où aller et leur apporter le soutien, leur apporter l'appui nécessaire. Père, que l'esprit d'hospitalité fasse partie de nos actions, de notre mode de vie, et que tout obstacle à la manifestation, à l'exercice de l'hospitalité soit ôté au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour le privilège que tu nous donnes chaque jour de nous réveiller et d'invoquer ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous voyons ici l'importance de manifester la reconnaissance envers ceux qui nous ont aidés. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi à reconnaître ceux qui m'ont aidé. Si moi je suis parvenu au niveau où je suis, si aujourd'hui je travaille, si aujourd'hui je me marie, si aujourd'hui j'ai eu mon concours, je vais penser à ceux qui m'ont aidé. Si aujourd'hui je suis béni, il y a peut-être un homme de Dieu, une servante de Dieu qui a prié pour moi, qui m'a aidé. Seigneur, aide-moi à manifester de la reconnaissance envers lui ou envers elle. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce qu'il t'a plu, dans ton amour immense, de nous donner ton Fils bien-aimé, l'unique, qui est mort sur la croix de Golgotha pour nous sauver. Pour cet acte, nous voulons te remercier, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, parce qu'on devait aller à l'enfer. Il est venu mourir, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. S'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il y a également des hommes, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des personnes qui ont prié pour nous, qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés, qui se sont sacrifiés pour nous aider. Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous a bénis, Dieu nous a élevés, Dieu nous a sortis de la misère, de la pauvreté, de la solitude, oh, de l'infertilité, de pas mal de difficultés. Et nous ne sommes jamais reconnaissants. On les voit, on ne peut même pas les saluer. On ne peut pas leur envoyer, oh Dieu, un message de remerciement. Pour nous, Dieu nous a bénis. Seigneur, que cet esprit de reconnaissance soit suscité dans le cœur de tes enfants. Notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que nous devons apprendre à encourager et à reconnaître les mérites des autres. Prions le Seigneur pour que dans nos églises aujourd'hui, nous ne puissions pas nous considérer comme des concurrents. Lorsque Dieu utilise quelqu'un d'autre, que je sache reconnaître nos dons, nos talents sont complémentaires. L'apôtre Paul, il savait reconnaître les mérites des autres. Prions le Seigneur au nom de Jésus et bannissons cet esprit de rivalité qui se développe de plus en plus dans nos milieux au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la vie. Nous élevons ton nom et nous te remercions pour tes bienfaits, pour tes dons que tu as donnés à chacun de nous, pour tes grâces et le ministère que tu as imparti dans la vie de tes serviteurs. Tu les as mis à part selon l'Esprit pour que ton œuvre avance, pour l'expansion du royaume, pour que les merveilles de gagner des âmes soient le quotidien de tes enfants par la prédication de la parole, par la consécration et par les miracles, les signes et les prodiges que tu fais par les mains de tes enfants comme tu le faisais au temps des apôtres. Seigneur, merci parce qu'en ce moment précis, tu es en train de fortifier le cœur de quelqu'un qui est haï, qui est négligé, bafoué à cause du don de l'Esprit, de la manifestation de la grâce de Dieu dans sa vie. Seigneur, aide ce frère à ne point rétrograder, mais plutôt à compter sur toi. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de ne point critiquer les autres que tu utilises puissamment, de ne pas comploter, de ne pas haïr, de ne pas, oh Dieu, bafouer le travail pour la construction de l'Évangile, mais plutôt, cher Saint-Esprit, donne-nous un cœur bon, un cœur repentant, un cœur d'aller de l'avant, de rechercher le bien des hommes et des femmes qui sont autour de nous pour que ton œuvre, ta puissance se manifeste dans l'Église. Aide-nous à collaborer ensemble. Merci, car la mission est grande et peu sont les ouvriers. Merci d'aider tes enfants à rechercher les œuvres de l'Esprit, à vivre par l'Esprit, à marcher par l'Esprit et à ne faire rien que ta volonté pour que tes enfants qui viennent à l'Église entrent pleinement dans leur bénédiction, dans leur destinée, entrent pleinement dans leur grâce, selon leur foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler que dimanche prochain, nous n'aurons pas une rencontre bonheur conjugal. Mais samedi 19, nous aurons notre grand concert Fréquence Vie à l'intention des amis de Fréquence Vie. Tous les amis de Fréquence Vie sont conviés à ce concert gratuit à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon Gare de 9h à 13h. Que Dieu vous bénisse. À demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.